Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis toujours Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, mon collègue et ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut, oui. Écoute, on peut pas t'en vouloir parce que t'es encore Luc Desormeaux, mais... Ben, je sais. J'essaie de changer, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Personne ne veut changer de place avec moi. Je les comprends pourtant. Bon, ça va Marc? Oui, ça va bien. Fatigué. Je t'avoue que je suis fatigué cette semaine. J'avoue que je te comprends. Moi aussi, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, je pars en vacances. Ouais, c'est ça. C'est bien, hein? Parce que la semaine prochaine, tu vas être en vacances. Donc, cette semaine, on enregistre deux émissions un peu plus courtes. Donc, vous allez avoir deux émissions d'environ une demi-heure. Une fois cette semaine, une fois la semaine prochaine, pour qu'on puisse vous donner des émissions. On aime autant vous donner une émission un peu plus courte que pas vous donner d'émission du tout. Donc, on va enregistrer deux émissions en rafale cette semaine. Et puis, on va les diffuser sur deux semaines. Donc, si l'émission est un peu plus courte, vous savez pourquoi. On aime ça être franc avec vous autres. C'est pour ça que les émissions vont être plus courtes. On a un temps limité pour enregistrer. Et puis, on va faire deux émissions dans la même journée pour pouvoir vous les étendre sur deux semaines. Donc, ouais. Puis on travaille dans la vie aussi des fois. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, Marc, cette semaine, tu vas nous parler de... On va commencer avec des nouvelles. Et puis, parce que je suis pas habitué, normalement, on commence avec des potins ou des choses comme ça, des choses que tu as faites. Ça va être pour la semaine prochaine. Mais cette semaine, on va commencer avec des nouvelles. Puis le deuxième bloc, ça va être nos essais de la semaine. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine dans le domaine de l'automobile? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, je pense que la nouvelle la plus choquante de la semaine, c'est la décision de Donald Trump d'annuler les règles environnementales en vigueur aux États-Unis. Ouais. Je m'explique, les fameuses normes CAFE, là, c'est ce qu'on appelle les Corporate Average Fuel Economy, c'est la moyenne de consommation d'une flotte par manufacturier. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les modèles d'un manufacturier, on fait la moyenne de consommation et on atteint un certain niveau. Et on avait fixé des objectifs sous Obama. On avait prévu, entre autres, qu'à partir de 2025, tous les manufacturiers devaient avoir 4,32 litres au 100 de consommation de moyenne café. C'est ça. Okay. Ouais. Ça, c'était la décision selon Obama. Or, à la recommandation des gens de l'EPA et de la NHTSA, M. Trump a annulé cette décision-là. C'est donc dire que les manufacturiers n'ont plus à se conformer à ces règles-là. Là, vous allez me dire, ouais, ça change rien. Ça change, ça peut changer énormément de choses. Parce que ça peut vouloir dire que les lois en vigueur, entre autres dans les États comme la Californie, les lois zéro émission, elles ne sont plus valides. Ça, c'est la premier élément. Deuxième élément, c'est qu'évidemment, si comme constructeur, tu n'es pas forcé d'atteindre un objectif, je suis pas convaincu qu'ils vont continuer d'investir des milliards pour le faire. Ouais. Alors, ce que ça peut vouloir dire, c'est une diminution considérable de la production des véhicules à bonne économie d'énergie, que les véhicules électriques pour lesquels on investit des millions et des milliards de dollars, ben on n'est plus obligé de le faire. Alors, ça se peut qu'on décide de mettre un pied sur le break en attendant de voir quelle sera la décision de la Cour, parce qu'évidemment, la décision va être contestée. On sait aussi que dans deux ans, il y aura d'autres élections. Est-ce que c'est M. Trump qui va être réélu? Est-ce que le successeur va garder ça comme ça? Ben on peut tous se poser des questions. Donc, évidemment, les manufacturiers n'arrêteront pas complètement de produire ce genre de véhicule-là, mais clairement, ils vont ralentir en attendant de savoir où ils s'en vont. Oui, parce que c'est un peu grâce à ces normes-là, mais c'est beaucoup grâce à ces normes-là si on a des véhicules, beaucoup de véhicules hybrides chez beaucoup de constructeurs, des véhicules électriques de plus en plus chez certains constructeurs, parce que, un exemple, Ford, en vendant ses véhicules hybrides rechargeables ou la Focus électrique, ben gagne des crédits carbone pour pouvoir sortir des véhicules comme la Mustang avec le V8, le F-150 avec le V8 qui consomme plus, donc ça vient descendre les normes de consommation d'avoir des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Tandis que là, ben si les normes sont plus là, ça sert à quoi vraiment à Ford, comme tu disais, à développer puis à payer des gens à développer des technologies qui seront plus obligatoires. Mais d'un autre côté, si demain matin, ben si quand Trump sera remplacé par quelqu'un de plus intelligent, si on remet ces normes-là, on veut pas non plus être trop à l'arrière puis être obligé de tout recommencer puis courir pour le faire. Donc, j'ai pas l'impression que les compagnies vont totalement mettre ça de côté, surtout que les gens ont une conscience un peu plus écologique maintenant, certaines personnes en tout cas. Donc, C'est vrai chez nous, mais je ne suis pas convaincu que c'est vrai partout. peut-être pas. Quoique la Californie, c'est l'État où il y a le plus de Toyota Prius qui se vend. Fait que je sais pas C'est aussi si. l'État où il y a le plus de Hummer, hein? Ouais, Je suis ça obligé de aussi. te le rappeler, là. Ouais, fait que ça compense, ça. Ouais. T'sais, parce que, écoute, je suis allé en Californie il n'y a pas très longtemps, on va en parler la semaine prochaine. Et sur la route, là, c'est vrai que tu croises des Prius en masse, quelques voitures électriques, beaucoup de Tesla, mais tu croises aussi beaucoup de pick-up et beaucoup de gros utilitaires sport, Ouais. là. C'est un peu je te dirais, le pays des deux extrêmes, là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Surtout que la Californie avait ses propres règles. Je ne sais pas si eux vont probablement se battre pour garder ces normes-là actives, Ben, mais. ils ont déjà confirmé qu'eux autres s'en allaient en cours pour justement tenter de conserver leurs normes, leurs lois. Et en vertu d'un acte particulier qui s'appelle le CARB, là, California Air, je sais plus trop quoi, là, c'est une entente spécifique qui permettait à la Californie de fixer ses propres règles. Mais là, M. Trump a souhaité annuler cette entente-là aussi. Donc, ce serait littéralement là, d'abolir les normes, même en Californie. Ça veut dire que les 12 États qui ont clairement adopté les mêmes normes que la Californie se retrouveraient sans ces lois-là non plus. Alors, ça voudrait dire qu'il resterait uniquement que le Québec avec une loi zéro émission. Ouais, ça serait un peu bizarre, mais bon, Un peu bizarre. Et la question rendue là, c'est est-ce que quelqu'un va la respecter? Tu sais, je veux dire, quand tu es en Californie, tu as, je sais pas, 25, 30, 40 millions d'habitants, tu entends des chars, tu sais. ouais, t'as la population du Canada dans un état, fait qu'à un moment donné, c'est comme, ouais, t'sais, t'as plus de Ça plus, vaut la peine de faire attention. ouais, c'est Mais ça. si tu es au Québec, qui se vend 1,8 million de voitures, même pas par année, au Canada, donc à peu près 500 000 au Québec, tu vas peut-être préférer payer Les pénalités. les pénalités plutôt que de te forcer à faire des voitures qui vont te coûter des millions de dollars, là, tu Ouais. sais. On verra ce que ça va donner parce que, tu sais, sous Trump, là, il se passe plein de choses aux États-Unis. Il y a la neutralité du net aussi qui a été abolie. Donc, tu sais, il y a plus vraiment de règles pour les distributeurs de services Internet et tout ça. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, même si la plupart se retiennent parce que il y a des organismes sans but lucratif qui est check, mettons, là. Mais, Oh. tu sais, puis t'as certains États qui ont créé leurs propres règles de neutralité du net, donc pour contrer le fait qu'il n'y en a pas aux États-Unis en tant que tel, mais, Parce qu'ils ont tu encore le sais, droit de le faire, tu c'est sais. ça. Donc, est-ce que ça va être pareil pour ça? Ben J'espère non, que parce oui, que mais... justement, non, le problème il est là, c'est que si Trump va jusqu'au bout de sa décision, il va annuler les ententes qui permettent aux États de prendre leurs propres règles. Ouais, ça aussi, fait que, ouais. Fait que si c'est le cas, à ce moment-là, c'est là qu'il vient annuler les décisions de Californie et c'est là qu'on retombe à zéro. Fait que, écoutez, je pense que j'ose espérer que les constructeurs vont quand même continuer. Puis, comme on l'a mentionné, ils n'auront pas vraiment le choix parce que dans 2 ans, peut-être que Trump ne sera pas là puis qu'à ce moment-là, ça va prendre quelqu'un pour continuer la démarche. Fait que je pense pas qu'ils vont fermer leur usine demain matin et puis leur centre de recherche. Mais ça peut vouloir dire qu'ils vont mettre un break en attendant de voir ce qui va se passer. Et à ce moment-là, ben, mettre un break, ça peut vouloir dire retarder des nouvelles technologies, retarder des nouvelles batteries. Tu sais, là, il y a un paquet de choses qui peuvent être retardées dans ce cas-là, là. Ouais. Tu sais. C'est un peu dommage de tout détruire ce qu'Obama avait mis en place, mais bon, c'est drôle de voir. J'écoute des émissions américaines, c'est comme Stephen Colbert, des affaires comme ça, puis il tape sur le président à chaque soir qu'il fait une émission. Je veux dire, son sketch pour partir son émission est toujours contre le président Trump, puis tellement qu'il fait de niaiserie, puis tout le monde applaudit, puis ça, mais je me dis, quelqu'un l'a mis là, pour qu'il soit président des États-Unis, il y a quelqu'un qui a voté pour, mais tout le monde a l'air à le détester quand tu regardes ça. Fait que d'un autre côté, tu te dis, bon, ben, c'est pourquoi qu'il est là. Fait que j'ai pas l'impression qu'il va revenir. Fait que j'ai l'impression que les choses vont se replacer Attends, quand le attends, prochain attends, président va attends, attends. revenir, mais je sais pas. Ça, c'est de prendre, en tout cas, regarde, là, on ne se lancera pas en Ouais, politique, là. non. Mais il faut quand même comprendre que 38% des Américains sont encore derrière Trump. Ouais. Tu sais, là, puis il suffit d'aller voir sur certains groupes Facebook, là, c'est assez spectaculaire, là, comment les gens sont favorables à Trump, Ouais, à ben. M. Trump, là, tu sais, là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est pas demain la veille, mais qu'il y a effectivement... Il y aura une possibilité que ces choses-là soient annulées, y compris en Californie, ce qui serait vraiment épouvantable, Ouais. parce que là, vraiment, on retombe à zéro, là, on tombe à quelque chose de tu sais, on n'est plus là, là. On n'est plus dans le même monde pantoute. Puis Dieu sait qu'actuellement, ben, en tout cas, moi, ça me fascine. Anyway, Ouais. voilà, c'était une partie des nouvelles. OK, puis Dans les l'autre nouvelles plus partie. réjouissantes, C'est ça. c'est ça, dans les nouvelles plus réjouissantes, on va quand même préciser, par exemple, au niveau des voitures électriques, que Polestar, qui est la division de Volvo qui s'occupe des voitures électriques, va présenter son modèle 1 finalement lors du show de Pebble Beach. OK. Pebble Beach, ça a été présenté en Europe, mais là, ils vont le présenter à Pebble Beach. Pebble Beach, c'est probablement la place où il y a le plus de voitures qui valent des millions de dollars, là. Ouais, c'est beaucoup de voitures de Donc, prestige, là. exactement. Fait que c'est Ouais. là qu'on va la présenter, la Polestar 1, qui est une berline électrique. On nous avait promis une plus petite berline, la Polestar 2. Elle, il semble qu'on va attendre, puisque le prochain modèle 100% électrique de Volvo, ce serait, semble-t-il, un XC40. OK. Et donc, on estime que la Polestar 1 va sortir 2020, avec une autonomie d'à peu près 550 km, mais on dit que la XC40 pourrait sortir au début de 2021 avec la même chose que, donc, un autre système totalement électrique. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment Volvo. Ouais, puis les gens qui veulent un véhicule, un VUS de luxe électrique, là, ça, on va essayer d'aller compétitionner avec le Jaguar E-Pace finalement, j'imagine. Exactement. Et ce qu'on nous dit, en fait, c'est que il devrait être de 5 à 6 000 $ moins cher que le E-Pace. Ah, j'ai hâte de voir ça va être intéressant. C'est bon. Ensuite, t'as-tu d'autres choses? Oui, Ram qui vient de lancer un rappel pour ses modèles, c'est Ram 1500, 2015, 2016, 2017. OK. 1500, 2500, 3500, il faut le dire, parce que le hayon qui est à verrouillage électrique pourrait s'ouvrir, OK. ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, Non. surtout quand tu roules et que la camionnette est pleine. Ouais, Donc, si t'as des choses dedans, c'est un peu moins intéressant, ouais, c'est un fait. effectivement. Donc, on dit que ça pourrait s'ouvrir. Donc, les Rams, si vous êtes propriétaire d'un Ram, puis il faut rappeler que les Rams, c'est un camion qui est extrêmement vendu. C'est le deuxième véhicule le plus vendu au Québec depuis le début de l'année, le premier étant, oh surprise, le Ford F-150. C'est ça, je veux dire, le F-150. C'est ça. F-150 toujours un peu en avant partout au Canada aussi, je pense, hein. Oh, et puis partout en Amérique, hein, Ouais. c'est le. En fait, c'est pas. On dit le F-150, c'est pas tout à fait vrai. C'est le Mazda Série F. C'est important parce que ça inclut les 2500 puis les Le Ford 3000. Série F. Oui, le Ford Série, oui. Ouais. Mazda Série F, je me demandais, voyons, Série F. Mazda avait un Donc, B2, avait un B2000 dans le temps qui était un Ranger rebadgé, c'est ça. C'est ça. je C'est pensais parce que j'avais manqué que, un justement. épisode. Non, non, non, non, OK. c'est moi qui est dans là. C'est moi qui est ce matin. Et est un peu fatigué. Je ne suis pas complètement revenu. C'est correct. Alors, il y a ça. Après ça, finalement, Volkswagen, on parle encore de voitures électriques. Volkswagen qui a annoncé qu'il était pour faire une Volkswagen électrique R. OK. Donc, une version sport, un peu comme la Golf R, mais en version 100% électrique. OK. Évidemment, on voit ce que ça va donner. On n'est pas rendu là, mais on y pense sérieusement. Ça fait partie des détails que l'on veut lancer, que l'on veut avoir. Donc, imagine-toi une R, Golf R, qui est déjà le fun à conduire en version électrique. Ça pourrait être très intéressant compte tenu du fait qu'on le sait, les autos électriques ont beaucoup, beaucoup De couple, hein? d'accélération, Ouais. beaucoup de rapidement. Donc, ça peut être fort intéressant. Bon, la seule chose, c'est que si tu la conduis un peu sportivement, ton autonomie va descendre, va fondre comme neige au soleil. Mais Ouais, c'est ça. Je sais, mais rappelle-toi que Tesla fait encore sa publicité en disant que son Roadster va faire 0-100 en 2 secondes. On ne ouais. sait pas combien de temps ça va pouvoir rouler une fois que tu as atteint 100 km/h, mais on verra. Ouais, on Alors, verra. voilà. Toujours dans la série des camionnettes, tu te rappelles, tu avais fait l'essai, moi aussi, du Trailer Assist de Ford, Backup Backup assist, ouais. pour aider à reculer les centres de 5 comme moi qui ont de la misère à reculer une remorque. Eh bien, Chevrolet vient pour 2019 d'annoncer sur le Silverado la même chose. C'est quelque chose, ben, je dis la même chose, quelque chose d'assez similaire, disons. Donc, ça devrait se replacer dans ce coin-là, avoir quelque chose comme une aide. Pour les gens qui comprennent pas de quoi on parle, là, c'est une aide qui permet de reculer en manipulant une molette. Et c'est la voiture elle-même qui conserve la ligne droite pour la remorque. ce qui est une excellente chose. Tout le monde copie tout le monde, tu sais, parce que Nissan aussi a annoncé qu'elle allait mettre des détections pour les enfants sur le siège arrière dans tous ses véhicules quatre portes aussi. J'étais là, justement. Là. Fait que c'est comme, tu sais, tu dis, là, c'est GM qui se fait copier par Nissan parce que c'est GM qui a commencé à mettre ça dans ses voitures. Ben, tu sais, tout le monde copie tout le monde à un moment donné. Ça devient... Quand c'est des affaires de sécurité, moi, je pense que c'est juste une bonne chose que ça soit copié. Clairement. De l'un à l'autre. Clairement. Puis effectivement, c'est ça. Alors, Nissan qui a annoncé qu'il était pour mettre ce genre de système-là qui permet de... En fait, c'est assez simple. Hein? Dans le cas de GM, là, ça fait juste sonner. Mm-hmm. Quand vous avez ouvert la porte moins de 10 minutes avant de partir, ben c'est pas compliqué. Elle sonne 5 minutes après quand vous arrivez parce que pour vous dire « Hey, oublie pas, tu avais ouvert la porte en arrière. » Oui. Non, c'est un système qui marche bien, puis c'est brillant. Puis je pense que ça devrait être dans tous les véhicules. Donc, Nissan commence à le faire eux autres aussi. Donc, ça va se répandre un peu partout. Là. Effectivement. Okay, bien. Et une dernière petite nouvelle pour Nissan. C'est la NASA qui risque de conduire les prochains véhicules Nissan. On le sait, Nissan travaille entre autres sur des voitures autonomes, a une association déjà avec la NASA pour ses sièges, les fameux sièges Zero Gravity. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, ils font affaire avec la NASA parce qu'ils voudraient avoir une espèce de centrale de contrôle en temps réel, un peu comme des contrôleurs aériens. D'ailleurs, okay. On utilise sensiblement le même système parce qu'on veut que les gens contrôlent les voitures à distance à partir d'une centrale. Okay. Donc, plutôt que ce soit une voiture 100% autonome qui se conduit d'elle-même, il y aurait un contrôleur qui s'assurerait qu'elle est dans la bonne voie, bonne trajectoire et qu'elle ne risque rien. Non, en autant que ton contrôleur n'est pas en état d'ébriété, tu vas être correct. Exactement. Mais t'imagines la job? Déjà, on dit qu'être contrôleur aérien, c'est une des jobs les plus stressantes au monde. Mm-hmm. Imagine-toi si en plus, il faut que tu contrôles 150 voitures, ça doit être complètement débile. Ça doit. C'est pas moi qui vais prendre la job. Moi non plus. Je suis trop vieux pour ça. Ouais, donc Marc, moi aussi. Donc Marc, on va faire une pause puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'un véhicule assez sportif, la Chevrolet Camaro. Oui, assez sportif, c'est le moins que l'on puisse dire parce que j'avais la version, la SS1LE, ok? Okay. Donc, faut que je t'explique que la SS, je pense que tu sais ce que c'est. Ouais, tu sais version ce que ça veut V8. Dire. C'est ça, version V8, qui est un beau gros moteur intéressant, un peu puissant, je te dirais. Mmh. C'est quand même 455 chevaux, 455 livres-pieds de couple, avec une boîte manuelle 6 rapports, c'est une propulsion. C'est un véhicule qui a un beau vroom-vroom. Là, c'est que quand tu accélères, tu sens que c'est un véhicule qui est typiquement américain dans tout ce qu'il y a de plus américain. Là, okay. Wow. Il faut aussi... Bon, le 1LE, c'est une version un peu plus sophistiquée de la SS, qui ajoute les suspensions magnétiques, qui ajoute une direction plus précise, qui ajoute un aileron, qui ajoute des pneus plus grands, des freins. Tu sais, là, c'est vraiment la notion plus sportive encore. Et elle était rouge et noire. Et inutile de te dire qu'elle était tout sauf discrète. J'imagine que ça faisait tourner les têtes, une petite affaire. Effectivement. Et j'avoue que même moi, je la trouvais très belle. OK. Tu sais, je suis pas un fan de la Camaro normalement. Je l'admets en toute humilité. C'est pas mon muscle car préféré. Mais je l'ai trouvé très, très, très belle. C'est une magnifique voiture qui a vraiment de la gueule, qui a l'air moderne, qui est fort bien faite. Et honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est bon. Évidemment, elle a quelques défauts. Premier défaut, c'est la position de conduite c'est pas la position de conduite, c'est la visibilité, je dirais. Bon, oui. T'es assis dans le fond d'un bain, dans une Camaro, et si jamais tu relèves le siège, le pare-brise est tellement petit que tu vois plus les feux de circulation devant toi. Ouais. OK? Ça, c'est pour la partie avant. Inutile de dire que pour la partie arrière, c'est encore pire. La visibilité trois quarts arrière, c'est... achète-toi un 649, t'as autant de chances de savoir ce qui se passe. Bref, ça, c'est vraiment la partie désagréable. Autre partie qui m'a moins impressionné, c'est la qualité des matériaux. OK, la finition, tout ça? Ouais, même si on a fait des gros efforts, je t'avoue qu'il y a encore des plastiques durs qui me dérangent un peu. Et il y a des affaires d'ergonomie qui, c'est niaiseux, là, mais ça m'a pris 3 jours savoir comment faire pour baisser le ventilateur. OK. Okay? Parce que tu as les buses là, d'aération. Ouais. Puis ces buses-là, ils ont comme un cercle chromé autour. Ouais. Faut que tu tournes le cercle chromé pour augmenter ou baisser la température. Et faut que tu tournes l'autre cercle chromé du côté passager pour augmenter ou baisser la force du ventilateur. OK, c'est pas tellement évident. C'est pas tellement évident, même s'il y a des dessins. Il y a des boutons en plus dans le tableau de bord avec le petit dessin ventilateur que j'essayais de peser, puis je me disais, il est coincé, ça n'a pas de bon sens. Il n'était pas coincé. Il ne sert juste à rien. Juste à vous indiquer que c'est en fonction. Donc, honnêtement, ça, c'est la partie. Bien, évidemment, une fois que je l'ai compris, là, je ne suis pas si niaiseux, je l'ai retenu. Mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu dérangé au niveau de l'ergonomie. Okay. Bien sûr, il y a le système multimédia qui, lui, est assez efficace, facile d'utilisation, ça va bien. Mais ça, pourquoi on prend la Camaro, c'est pas non plus pour les bancs en arrière. Okay? Non. Non. Et là, j'ai beaucoup ri parce que, bon, j'ai une sœur qui est super gentille, qui vient souvent avec moi faire des commissions pour aller changer de voiture ou autrement. Et, cette sœur-là mesure 5 pieds, OK? OK. 5 pieds, c'est pas très grand, t'auras compris. Effectivement. Et elle était assise derrière, mais la façon dont les sièges sont faits à l'arrière, c'est que ils sont comme creusés par en arrière. Mm-hmm. Et le devant est donc plus haut. Alors, elle, qui mesure 5 pieds, s'est retrouvée assise là, et elle avait les fesses enfoncées, mais les pieds qui touchaient pas à terre. Ah, oh, OK. Fait qu'elle me disait, j'ai l'impression d'être assis dans une chaise haute. Fait que j'ai l'impression que c'est pareil pour les enfants qui restent s'asseoir à l'arrière. Exactement. Alors, c'est pas fait pour ça. C'est clairement pas l'intention d'avoir 4 passagers là-dedans. Ceci étant dit, c'est pas pour ça que tu achètes une Camaro SS. Tu l'achètes pour le plaisir de conduite, pour la direction, pour la précision. Mm-hmm. Et ça, il n'y a pas de compromis. C'est le fun, ça se conduit vraiment du bout des doigts, c'est très agréable, on peut changer les modes de conduite avec le moteur qui est puissant, qui a beaucoup de couple, ça permet des accélérations qui sont vraiment remarquables. C'est sûr que la 1LE, en plus, donne une direction avec les suspensions plus rigides, les suspensions magnétiques qui sont vraiment spectaculaires. Écoute, l'ancienne Camaro qui était un dragster, donc vraiment qu'on utilisait en ligne droite là, de façon un peu... parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Avec cette nouvelle Camaro-là, on n'est plus là du tout. Là. On parle vraiment, vraiment d'un véhicule qui est fortement amélioré par rapport à ce qu'il était, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas si dispendieux. Hein. Version de base quand même là, de la SS, c'est 43 495, ce qui est fort raisonnable. Bien sûr, vous pouvez avoir une version plus, je dirais, pas mal moins équipée. Le prix de départ d'une Camaro, c'est 29 600 à peu près. Ouais. Donc, on n'est pas dans une voiture qui est très, très chère. Évidemment, si vous vous dirigez vers la ZL1, c'est un autre débat, mais disons que pour le bon compromis, la SS est intéressante. On offre-tu toujours 3 moteurs chez GM, le 4 cylindres oui. Turbo, le V6 puis le V8? Exactement. Okay. Plus celui de la ZL1, en fait. Là, on offre même plus que 3 moteurs parce que... ZL1, c'est le moteur de Corvette, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est le moteur LS là, qui est vraiment la super bombe. Mais dans l'ensemble, là, c'est donc un véhicule qui, honnêtement, m'a quand même beaucoup impressionné. Si je ne suis pas le plus grand fan de la Camaro, je dois dire que ça m'a pas mal, moi je pourrais dire, ça m'a pas mal réconcilié avec la Camaro que de passer une semaine à son volant. Oh oui, c'est un véhicule qui est joli, là. C'est un beau véhicule, c'est un véhicule qui sort quand même du lot. Puis je me rappelle la première fois que j'ai vu la nouvelle Camaro, c'était comme magnifique, là. Ça sortait vraiment du lot, puis c'était une super belle voiture. On la remodifie tranquillement pour la rajeunir, puis c'est un véhicule qui a toujours gardé une allure quand même jolie. Là. Pas ma préférée non plus, mais quand même une voiture que je dirais pas non à conduire pendant un bon bout de temps. Là. Non, effectivement, c'est une voiture qui demande pas trop de compromis et c'est quand même super agréable. Ouais. Toi, t'as fait dans un autre format, par exemple. Ouais, quelque chose de plus petit, quelque chose de plus économique. J'étais au volant de la Mazda 3. Véhicule que j'ai toujours apprécié, j'ai même possédé une Mazda 3 2008 que j'aimais beaucoup, qui a laissé sa place pour un autre véhicule, un véhicule électrique, hein, c'est lui qui a été remplacé pour ma Leaf. Mais c'est un véhicule que j'ai toujours aimé conduire parce que c'est un véhicule qui est toujours dynamique. Hein. La Mazda 3, c'est un peu ce qui l'a fait sortir du lot, c'est son dynamisme de conduite, la précision de sa direction, ses accélérations. Le moteur Skyactiv de la Mazda 3, que ce soit le 2 litres ou le 2.5 litres, là, il y a deux moteurs de disponibles, c'est vraiment comme un moteur qui est presque un match parfait avec sa transmission, puis qui va faire que, tu sais, même si c'est une petite voiture, même si vous prenez le modèle de base, vous allez quand même avoir une belle sensation de conduite. C'est une voiture qui est agréable à conduire. C'est une voiture qui est jolie. Moi, j'avais la version berline. J'ai un petit faible pour la version sport. La version hatchback, je la trouve tellement plus jolie. Ça lui donne tellement une allure plus agressive quand elle a dans sa version hatchback que dans sa version juste berline. Là. Je te dirais qu'on est pas mal tous dans le même camp là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une voiture qui est pas jolie côté en berline, mais elle est tellement plus belle en version hatchback. Ces lignes, c'est vraiment encore plus magnifique. La manière que Mazda a travaillé la partie arrière de la version hatchback lui donne vraiment une allure agressive. C'est vraiment joli. Là. Côté finition intérieure. Ouais, ben, c'est un peu, juste si tu permets, c'est aussi ce qu'on retrouve entre autres chez les CX-3 beaucoup, là. On a repris cette espèce de ligne plus agressive, plus mordante un peu à l'arrière. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça fait un véhicule qui est vraiment joli. Ça part à 15 000 $ une Mazda 3, là, 15 500, je pense, là, dans son modèle de base. Environ 16 000, là, mettons. Puis le modèle que moi, j'avais, était 28 250. C'était la version la plus équipée avec du cuir, la groupe technologique, donc les détections d'angle mort et tout ça. Système de divertissement qui est peut-être la chose qui m'agace le plus chez Mazda. Mon Dieu que tu es poli. Ben, j'en ai parlé un peu la semaine passée. On en a parlé, je pense, un peu la semaine passée où j'avais de la misère à reconnecter mon téléphone. Puis la première fois que tu le connectes, ça va super bien. Je ramasse la voiture. La première chose que je fais, c'est que je connecte mon téléphone par Bluetooth à la voiture. Ça va super bien. Mais les autres matins, quand tu rembarques dans l'auto, puis il essaie de reconnecter au téléphone. Moi, je vois sur mon téléphone qui est connecté. Là, c'est marqué Mazda sur mon téléphone. Donc, mon téléphone, pour lui, il est connecté sur le Bluetooth. Puis le système cherche, puis cherche, puis cherche. Puis à un moment donné, il me tombe sur la radio en me disant « pas été capable de connecter au téléphone ». Puis si je retourne dans le système de divertissement, puis je retourne dans audio, puis je descends, ben je vois bien que c'est marqué Bluetooth, puis que mon téléphone est connecté. Puis si je reconnecte, si je retouche le bouton pour me connecter dessus, ben il est déjà là. Fait que c'est comme une fausse mauvaise connexion, un faux message d'erreur, mais je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a fait ça à travers les différents véhicules Mazda que j'ai eu dans les dernières semaines, là, parce que ça fait 5 véhicules Mazda que j'ai de suite. Puis dans les 5, pas nécessairement tous les matins, mais un matin de temps en temps, il sera pas capable de se reconnecter au Bluetooth, même si visuellement là, il a l'air connecté. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Une autre petite chose qui m'agace un peu. T'as le système dans le Mazda 3, t'as le système avec l'espèce de petite palette en plastique qui se lève pour que tu puisses voir sur ton pare-brise, mais ça c'est montré sur ta palette de plastique, ta vitesse, puis la vitesse où tu es. Donc, sur le tronçon que tu es, ça peut marquer que tu es à 100 km/h, 80 km/h. Plus, tu peux voir ta vitesse, puis d'autres informations. Je trouve ça bien, sauf que vu que c'est sur une palette, c'est pas nécessairement ajustable. Si tu t'aperçois que tu montes le banc un peu trop haut, tu descends le siège un peu trop bas, tu vois plus vraiment l'information sur la palette parce que c'est pas ajustable. Après ça, j'ai eu un CX-5. Dans le CX-5, ben là, lui, on le met directement dans le pare-brise. Il n'y a pas de palette de plastique. Fait qu'on a comme des systèmes différents pour accomplir la même chose. Ouais, attends, dans les nouvelles versions, par contre, ils vont être exactement comme celui du CX-5. Là. Donc, plus de palette de plastique. Plus de palette de plastique, ils ont eu trop de problèmes. Ce qui va être une amélioration, parce que tu te poses toujours la question, la journée que la petite palette ne lève plus, t'as un problème, donc c'est une réparation. Puis, pourquoi tu peux le faire dans le CX-5 directement dans le pare-brise puis pas dans la Mazda 3? Mais bon, c'est bien que tu me dises que dans les prochaines versions, la palette de plastique s'en va, parce que la première affaire que j'ai dû faire, c'est de descendre le siège, parce que sinon je voyais comme trop haut dans la palette de plastique, puis je voyais pas l'information. J'ai descendu un peu le siège pour être plus confortable, puis là c'était correct. Donc il faut jouer un peu avec ça. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable, c'est bien, la sensation de conduite est bonne, les accélérations sont bonnes, le petit vroom vroom qu'on dit toujours de chez Mazda, là, qui vient de la MX-5, on le ressent dans toutes les voitures Mazda, puis c'est pareil dans la Mazda 3. La finition est super bien à l'intérieur. Moi, j'avais les versions avec les sièges en cuir et tout ça, donc la finition intérieure est soignée, les sièges étaient super beaux. L'extérieur, c'était pas nécessairement ma couleur préférée, c'est une espèce de bleu acier qui est correct, là, mais pour moi, c'était pas ma couleur préférée. Mais l'intérieur était une espèce de beige pierre, qui c'était vraiment magnifique, avec du gris plus foncé, fait que ça donnait un intérieur deux tons. C'était vraiment, vraiment joli. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un intérieur qui ressortait tant que ça dans un véhicule de cette gamme-là. Là. Je trouvais que c'est vraiment le choix de couleur pour la voiture de presse, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que dans le CX-5 que j'ai eu la semaine d'après, j'avais un extérieur gris titane avec un intérieur de la même couleur. Puis lui, là aussi, ça ressortait. Là. Fait que c'est vraiment, tu sais, chez Mazda, si vous voulez, il faut payer un petit peu plus cher, il faut avoir du cuir et tout ça pour avoir un intérieur deux tons comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment joli. Fait que c'est un véhicule, j'ai vraiment pas, à part là, ce que j'ai mentionné, le système de divertissement, puis peut-être la palette qui vous montre votre vitesse, ces choses-là. Il n'y a pas vraiment de défaut, ce véhicule-là. Je veux dire, il y a de l'espace, il y a un grand coffre en arrière, il y a assez d'espace pour asseoir des passagers. L'agrément de conduite est là. C'est un véhicule qui devrait, tu sais, je me rappelle, on voit beaucoup de Mazda 3 sur la route, mais je pense qu'on devrait en voir plus. C'est un véhicule, des fois, peut-être que les gens oublient d'aller voir, puis pourtant, ils devraient, parce que si tu veux un petit véhicule pas trop cher, tu vas avoir du plaisir de conduire, ben ce véhicule-là est capable de t'apporter à peu près tout ça, tout en ayant de l'espace pour les gens à l'intérieur, un bon coffre et tout ça. Fait que je pense que c'est un véhicule qui devrait connaître plus de succès encore qu'il en connaît. Oui, ben effectivement. C'est un véhicule, écoute, tu le dis, la particularité, c'est vraiment le plaisir de conduite. Ouais. Le reste vient avec. Oui, puis on le ressent, là, ce plaisir de conduire-là, on le ressent. Puis c'est à travers la gamme, j'ai passé, je vous dis, dans les dernières semaines, j'ai passé à travers la gamme complète des Mazda. Fait que dans les prochaines semaines, vous allez m'entendre parler de Mazda pas mal. Là. Pas grave, on t'écoute pas. C'est ça que je me dis, surtout toi. Fait que vous allez voir, j'ai passé à travers la gamme de Mazda, vous allez voir que ça revient un peu partout. Donc Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, idéalement par Facebook, c'est la façon la plus facile. Bien sûr, il y a mon blog marcbouchard.ca sur lequel je mets aussi le lien de notre podcast. Les gens peuvent me rejoindre sur Twitter à Marc Soulier Bouchard ou sur Instagram à Bouchard Soulier Marc, ainsi que bien entendu à notre désormais célèbre adresse courriel que l'on peut consulter tous les deux, info@saroulradio.com. Et oui. Toi, mon cher? Moi, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux. Il y a aussi le compte Ça Roule Radio sur Twitter qui est Ça Roule Radio, la page Facebook qui est Ça Roule Radio aussi. Vous pouvez nous écouter à travers Google Play ou iTunes si ça vous intéresse, ou télécharger l'émission directement sur saroulradio.com si vous ne voulez pas le mettre sur une tablette ou un téléphone intelligent, juste sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger de là. Et puis, vous pouvez nous écouter sur sportradio.ca et Radio Média Plus. On est diffusé souvent la fin de semaine. Et puis, ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi. Et nous, on se reparle dans quelques minutes pour enregistrer l'émission de la semaine prochaine. Et puis, oui. À tout le monde, ben, on vous dit à la semaine prochaine sur une émission qui va être pré-enregistrée. Vous allez avoir une émission quand même la semaine prochaine. Marc, on se reparle tantôt. Pour les auditeurs, bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.